du feu. Ta voix grave la vie dans la pierre. Tu n'es pas venu un peuple, mais l'enseigner à vivre libre sur la terre. Tu rappelles la sortie d'Égypte avant de donner les commandements. Car la loi naît dans la grâce et non dans l'enfermement. Tu libères avant de demander. Ta loi est une lumière sur nos pas, pas une chaîne sur nos épaules. Tu nous montres comment vivre libre en marchant selon ton école. Ta loi est une lumière sur nos pas. Protège ce que tu as sauvé, car les cœurs libérés ont besoin de vérité pour ne plus.